18 novembre d'une année inintéressante, 20h03, salle commune du temple du Capricorne. C'était du délire! Qu'est-ce que venaient faire ces drôles de gros types avec leurs haches sur le terrain d'Angelic Killer? Je me suis faufilée dans les gradins des professeurs après le match. Bon, c'était pas si facile à cause de ma... corpulence, disons. Mais j'ai entendu Snap parler avec Dumbadawa. D'après eux, ça ne signifierait qu'une chose, que quelqu'un s'est échappé de la prison. Mitton, t'as vu comme moi comment cette prison est impénétrable, et de toute manière, si ça avait vraiment eu lieu, on en aurait entendu parler. C'est juste Blackjack. Blackjack s'est échappé d'Impel Down. C'est dans le magazine de Taxoir. Mon parrain? Mais c'est un malade ce mec, j'ai pas envie qu'il vienne gâcher ma scolarité. Ah, d'après l'article, il serait sorti de là en rongeant les barreaux. Man, ce type-là, c'est un kamikaze. Il va te retrouver et s'autodétruire comme Chaos dans Dragon Ball. Hey, j'ai une idée. Je devrais utiliser la clé USB que tes frères m'ont refilée, Ewan. Ils disaient qu'il y avait un programme dessus avec la carte de Jobar et les personnes qui se déplacent en temps réel. Ils auraient pu me la donner à moi, quand même. Maintenant, je comprends mieux pourquoi maman leur demandait d'arrêter de geeker au lieu de bosser. Viens, on va dans notre chambre. Toi, Mitton, bah, va dans la tienne, hein. Tu vas pas nous suivre, quand même. Ah, je vois! Messieurs ne veulent pas que j'interfère dans leur plan idiot qui va mener à Chi à une mort certaine? Moi, je vais retourner dessiner mes yaoi. Et pour info, c'est fou les héros de mon manga! Ah, c'est plutôt cool ça! Hachi, le yaoi, c'est. Bon, laisse tomber, tu chercheras sur le net. Bon, je lance l'application. Tiens, branche ma souris, ce sera plus pratique. Merci, c'est sympa. Nouveau composant USB détecté, Peter est en bon état de fonctionnement. Ah oui, c'est vrai que je lui avais donné un nom. Plutôt cool l'interface. L'effet 3D est pas si moche. Eh hey, mais c'est vrai que ça marche! Regarde, Ruzard Gay qui fait sa ronde du soir. À tous les coups, il veut piquer la connexion illimitée de Dumbanawa. Pas de trace de Blackjack. Mais c'est goût! Qu'est-ce qu'elle fiche dans le lit de Malfait? J'y crois pas! Mais quelle sale peste! C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est pas important. Regardons ce que fait Snap. Rechercher Snap. Là, il dort devant sa télé. Tiens, mais c'est pas Kigel qui va vers le temple du Grand Pop? Je croyais que c'était interdit. T'as raison, y'a un truc pas clair là. Bon, moi je suis claqué, je ferais mieux d'aller prononcer. Dans quelques jours, c'est la première épreuve de l'examen des Hunters. Vaut mieux pas qu'on soit crevé. T'as raison, gars. Oyasumi, Hachi. Oyasumi, Ronald. 1er décembre, 9h56, temple du Bélier. À chaque shonen son tournoi. Le nôtre débute maintenant. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cet examen qui va avoir lieu dans quelques minutes à présent. En attendant, je vous prie de bien vouloir applaudir quelques étudiants de 7e année de différentes écoles d'otaku à travers le monde. Il y a bien entendu nos amis de Basara et de Berserk, mais vous pouvez aussi applaudir les étudiants de l'école japonaise de Nausicaa, les Rebirths de New York et les Akira d'Argentine. Ces tournois sont relativement difficiles, mais c'est normal vu qu'il y a du fric à la clé. Nos sponsors sont les kimonos et les yukata de Madame Shidur, ainsi que les entraînements cérébraux du docteur Nana Shimoa. Il faut aussi signaler que l'examen est retransmis en direct depuis environ 10 minutes. C'est pourquoi je demanderai à Monsieur Bridou de bien vouloir soigner ce nez ensanglanté. Je sais bien que Mademoiselle Dubambou est très jolie, mais bon... Allez, c'est l'heure de la première épreuve. Tout d'abord, je demanderai à toutes les personnes qui savent comprendre et parler le français de se placer sur ma gauche. Voilà, dans le calme s'il vous plaît. C'est bon? Voilà. Tous les gens qui sont au centre et qui n'ont rien compris à ce que je dis depuis tout à l'heure sont éliminés. Bon, déjà 50 personnes en moins. Commençons la deuxième épreuve. Ça va, c'est plutôt facile pour l'instant. Pas forcément, Seigny est déjà out. Pour cette prochaine épreuve, vous allez être orienté vers différentes salles du château. Il s'agit d'un QCM sur l'univers otaku. Vous ne perdrez pas de points en cas de mauvaise réponse. Bonne chance à tous. Là, ça va être critique. Hey, Hamilton. Oh non, voilà Windman. Bon, moi je suis dans la salle de B du temple de la Vierge. À plus tard. Hey. Papa, moi, j'ai l'air bien stressé. Moi, j'ai donc ce chouing-chouing. C'est bonbon. Un panty gamme. Ah, merci, professeur Kigel. Bonne chance, Juan. Ouais, à toi aussi. Juan, c'est bien toi, le petit frère de Will, n'est-ce pas? Moi, oui, c'est ça. Tu es dans la même salle que moi. Si tu veux, je te donnerai les réponses. En échange, tu diras du bien de moi à ta mère, d'accord? Ah ouais, je veux bien. Juste pour prouver à Mitton que je suis pas un moins que rien. Temple du Capricorne, salle 4. Bon, et si je me faisais un petit karaoké en attendant? Et souvenez-vous que vous n'avez rien à perdre à cocher les réponses au hasard. Pour cet examen-ci, les équipes techniques et les caméras ne sont pas autorisées. Il pourrait y avoir de la triche. Il est l'heure. Retournez vos sujets. Alors, question 1. Laquelle de ces énergies vitales apparaît dans JoJo's Bizarre Adventure? A, le ki. B, le chakra. C, l'alchimie. D, le stand. Ou E, le nen. Attends, mais il y a 5 réponses? Mais c'est impossible que je sache ça. D. Question 2. Qui est le dessinateur de Ashita no Joe? A, Masakazu Katsura. B, Tetsuhara. C, Jabus Dombanawa. D, Naoko Takeuchi. Ou E, Tetsuya Shiba. Non mais ils se foutent de nous, c'est quoi ces questions à la E? D'où je sais ça, moi? C'est bizarre cette histoire quand même. Eh, hey, mais c'est Gou là-bas. Eh, hey, Gou, je te signale que je te quitte et je sais que tu me trompes. Oh, c'est bien dommage. Mais c'est la vie. C'était sympa quand même, Hachi. Ouais, on se fera une bouffe, un de ces quatre. Bande d'abrutis. Eh ouais, Pawa, elle est à moi maintenant. S'il vous plaît, vous discuterez de cela plus tard. Bon, alors, question 8. Ah, mais j'ai déjà rempli autant de réponses, moi. Qu'est-ce qu'un yokai? A, un sushi. B. Midi 23. Temple du chevalier du bélier. C'est pas tout ça, mais j'ai pris du retard dans mes corrections, moi. Et qu'est-ce que vous avez mis sur la 38? J'ai hésité entre le tube de dentifrice et le persignon nombril. Milton, c'est déjà assez stressant sans que tu en rajoutes. Mais je pense avoir plutôt assuré. Heureusement, on va avoir les réponses avant les vacances de Noël. J'aurais pas supporté de devoir attendre. Et on aura aussi le bal de Noël, vous vous souvenez? J'ai plus qu'à me confectionner des bracelets avec des pics. Et merde, mais j'avais totalement zappé ça, moi. Je devais faire un Sangoku en troisième transformation. Et moi, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'envoie un costume, sinon j'aurais eu l'air ridicule. Mais qu'est-ce que vous faites pendant les cours de cosplay? Ben, en général, j'essaye de terminer le boulot pour le cours de manga. Et moi, celui de défense contre les mangas hentai. Ben, je vous souhaite bien du courage. Surtout s'il vous faut des partenaires pour le bal. Hein? Quoi? Bon, Miton, tu vas avec moi, et Hachi avec Gouremande. On a rompu tout à l'heure. Et moi, j'ai déjà un prétendant d'abord. Et j'ai surtout pas envie d'être vue avec des cosplays aussi nuls que les vôtres. Elle ment, là, non? Probablement. Pas grave. Tiens, regarde là, les Sir Page et Phoebe pas si belles. Hey, vous, ça vous dit pas de venir au bal avec nous? Ouais, ok. Ça, c'est fait. Bon, je vais chercher sur le net des costumes tout prêts. 21 décembre, 22h45. Vous n'êtes pas au lit à cette heure-ci? Moi, j'y vais en tout cas. Non mais comment elle a pu me faire ça? De quoi? Ma mère m'a envoyé un costume de Rémi sans famille, avec un véritable singe qui me tire les cheveux constamment. Arrête ça tout de suite ou je te fais frire. Tu devrais l'empailler. Bonne idée. Tiens, tout à l'heure, au fait, j'ai eu une réflexion. Ça arrive. Tu crois que le monde des démons existe vraiment? Ton animal volant, là, il a pris le Death Note et il s'est barré après. Mais on sait pas ce qui s'est passé, en fait. Oh, tu sais, ce genre de choses ne m'étonne plus trop. Mais c'est assez étrange, en effet. Demo, ramène tes miches ici. Salut les amis! On se demandait si tu n'avais pas gardé le Death Note pour asservir le monde. Non maître, je suis lié à vous. Je fais ce que vous me demandez, tu es un esclave. Le livre a été désintégré en réalité. Il s'agissait en vérité d'un objet de haute technologie qui envoyait des nanoparticules pour assassiner. Je vois. Ou comment expliquer un phénomène paranormal avec des principes scientifiques? Au fait, Demo, tu saurais pas où je pourrais trouver une perruque de Sangoku 3ème transformation? Je crois que le professeur Snap en possède une. Je vais vous la chercher, monsieur. Venez voir nous, maître Pawa. Le bol que t'as, t'as l'air trop classe comme ça. Allez, demain on va partir taquiner de la donzelle. Bon alors, faut dire quoi déjà? Ah oui, 22 décembre, un temple au hasard, vers 21h. Il est vraiment naze mon costume. Et le vainqueur du concours de cosplay, Hachi Pawa. Merci à tous, vous êtes vraiment trop nuls. Pas de surprise, c'est Wingman Lukum qui doit être deg. Et mais qu'est-ce que fait Miton avec ce naze? Mes chers otaku, la fête est maintenant terminée. Il est l'heure de dévoiler les gagnants de la deuxième épreuve. Et voici les noms qui apparaissent sur cet écran géant. Bravo à tous, vous n'êtes plus que 39. Pour que l'on vous explique la suite, il est nécessaire que les autres élèves retournent à leur maison. Pour les élèves qui ne viennent pas de Jobar, il y a de bons hôtels à côté de la ville de préhistoire. Yes! Hachi, t'as réussi toi aussi! On est des boss, mec! Carrément? Ah, cette perruque, elle gratte, dis donc. Yata! Vous aussi, vous êtes passé? Wigman aussi! Rien à fiche de ton Wii-Wing! Quelqu'un t'a rayé ton bandeau ninja? Tu fraternises avec l'ennemi. L'ennemi? S'il vous plaît, un peu de silence. J'ai pas fini. Wan, t'es qu'un vilain jaloux. C'est ce que tu penses, hein? Hein? Bon, le but de la troisième épreuve est de sortir d'un labyrinthe en moins d'une heure. Et elle commence ici et maintenant. Bonne chance. Chouette. Tu as vraiment tout gâché, Wanald. Oh, hé, on a une épreuve, là. Comment on fait pour rentrer dans le labyrinthe? Bonsoir, j'ai trouvé 5 entrées dans le sol si vous voulez, les pavés sont amovibles. Yuya, t'as réussi l'épreuve du quiz? Oui, j'ai coché à l'intuition. Ben dis donc, bon faut sauter sur ces pavés alors, un pour chacun. C'est parti, en espérant ne plus jamais te revoir toi. Oh le mufle! Oh chouette, on est tous tombés dans la même salle, c'est trop bien les amis. Oh non! À cause de cet idiot, j'en ai même oublié mes classiques. Dans le manga Hunter x Hunter, il y a une épreuve dans ce genre. Le choix à la majorité. 5 participants doivent avancer dans un labyrinthe. Tout à fait, Mademoiselle John. Mettez ces montres à vos poignets. Soit vous choisissez le rond, soit la croix aux différentes questions posées. Il vous faut cependant attendre l'arrivée d'un cinquième membre pour commencer. Quoi? On va devoir attendre qu'un idiot se ramène? Bah c'est bon, on peut tout de suite se considérer comme éliminé. 21h52, toujours au même endroit. J'espère que ma belle Emmitton va réussir l'épreuve. Tu sais ce que tu devras faire la prochaine fois? Invite-moi avant une autre et pas en dernier recours. Comme si j'avais envie d'être avec toi. Arrête de me tirer les cheveux, Luffy. Tu lui as donné un nom? Oh, écoutez au-dessus, on dirait que quelqu'un va venir. Il nous reste plus qu'un quart d'heure, on n'est pas sorti de l'auberge. Bande de glandus! Ah, c'est vous? Pas lui... Bon, mets cette montre, sinon on ne sortira jamais de là. Les chronos se synchronisent et une porte apparaît? Voulez-vous ouvrir cette porte? Rond pour oui, croix pour non. Qui a mis non? C'est mal fait! T'arrêtes de nous mettre des bâtons dans les roues! Allez, on avance! Même si Malfait fait toujours l'inverse de nous, on pourra quand même avancer. Oh, maintenant c'est un embranchement! À gauche, appuyez sur rond, à droite sur croix. Mais comment ça, à droite? À gauche, c'est plus rassurant. D'après une étude comportementale, les gens vont instinctivement à gauche. Donc le chemin le plus sûr est forcément celui de droite. Nye, nye, nye. Apparemment, on est deux à être idiots, hein, Hachi? Ouais, j'ai mis gauche aussi. Vous êtes vraiment naze, vous. Oh, regardez, c'est le dernier choix, on dirait. Quoi, déjà? Mais j'ai même pas eu le temps de vous monter les uns contre les autres. Enfin, on dirait que vous avez pas besoin de mon aide pour ça. Sale petit intello. Oh, t'as coup du dimanche. Pour votre dernier choix... Voici deux portes, l'une à côté de l'autre. Soit vous prenez la porte de gauche avec rond, soit celle de droite avec croix. Avec la gauche, vous arrivez au bout en moins de 3 minutes. Avec la croix, il n'est pas possible de le finir en moins de 50 minutes. Par contre, à gauche, vous devez vous séparer de deux membres de votre équipe. Dans ce cas, vous devrez les attacher à ces chaînes sur le côté. Je vous préviens, moi j'appuierai sur rond, sans pour avoir autant la moindre intention de rester ici. Mitten, comment ils font dans le manga? Ils choisissent la porte de droite et cassent le mur entre les deux pour passer à 5 par le passage facile. Ça ne marchera jamais pour nous et on n'a pas le temps. Bon, je vote pour que Malfait et Mitten restent ici. Plutôt mourir que te laisser gagner. Tu devrais mieux choisir tes priorités. Bon, j'ai une autre idée. Racho, viens par là, il faut que je te dise un truc important. Ouais? Quoi? Mais on n'a pas décidé ça! Bah moi je décide. Et comment fait-on pour la deuxième personne à laisser ici? On a qu'à mettre Luffy, le singe de Wan. Dumbanoa a parlé de membre de l'équipe et il a pas précisé qu'il fallait qu'il soit humain. Pas con, je cherchais justement à m'en débarrasser. Et hop, à plus Luffy! On choisit tous la croix. J'appuie pour toi sur ta montre, Malfait, tu m'en veux pas? Saleté de rouquin! Super, on a réussi à passer tous les quatre, mes amis! Ma montre, il est 22h06, si ça peut vous intéresser. Et c'est terminé pour la troisième épreuve. Bravo aux 18 gagnants. Vous avez bien mérité d'aller vous coucher maintenant. Ah zut, le coup m'a réussi lui aussi. Ah, Fleur aussi, ça c'est plutôt cool. Bon, on se casse dans notre dortoir. J'ai vraiment envie d'enlever ce cosplay. Attends 30 secondes. Mettons-nous derrière ce poteau pour écouter une conversation top secrète à l'insu des gens. Bon, ok. Professeur Dunbanawa, vous venez encore de recevoir un email de Netero-sensei. Ce vieux Gripsou, je lui ai pourtant dit que j'ai besoin de ça. Je dirais même plus, c'est méga important à la vie et à la mort. Enfin, comme disent les jeunes, là. Netero-sensei ? Qui est ce fameux Netero ? Je l'ignore.